There is no. Qu'il n'a aucune. Qu'il n'a aucune. He says he knows very well. Il dit qu'il connaît très bien. Il dit qu'il connaît très bien. He knows that it is a. Il sait qu'il s'agit d'un. Il sait qu'il s'agit d'un. But it was done. Mais il l'a fait. Mais il l'a fait. I need to. Il me faut. Il me faut. To say that. Pour dire que. Pour dire que. There are some. Il y en a. Il y en a. There's one right there. Il y en a une juste là. Il y en a une juste là. It is a. Il s'agit d'une. Il s'agit d'une. At this moment. À ce moment-là. À ce moment-là. It said it is. Il dit qu'il est. Il dit qu'il est. And it needs to. Et qu'il a besoin de. Et qu'il a besoin de. There is no doubt that. Il est sûr que. Il est sûr que. It shows that he doesn't believe in. Il montre qu'il ne croit pas en. Il montre qu'il ne croit pas en. So, he simply asks her. Donc il lui demande simplement. Donc il lui demande simplement. When you speak to try to convince someone. Quand vous parlez pour essayer de convaincre quelqu'un. Quand vous parlez pour essayer de convaincre quelqu'un. If you get into the habit of. Si vous prenez l'habitude de. Si vous prenez l'habitude de. That you say things. Que vous dites des choses. Que vous dites des choses. Which are not. Qui ne sont pas. Qui ne sont pas. That he does not want. Qui ne veut pas. Qui ne veut pas. He only wants. Il veut seulement. Il veut seulement. It's a pretty common cliché. C'est un cliché assez commun. C'est un cliché assez commun. That they don't want. Qu'ils veulent pas. Qu'ils veulent pas. There are people who think that. Il y a des personnes qui pensent que. Il y a des personnes qui pensent que. To say that it has. En disant qu'il a. En disant qu'il a. For example. Par exemple. Par exemple. Which is called. Qui s'appelle? Qui s'appelle? And as you know. Et comme tu sais. Et comme tu sais. She can't. Elle peut pas. Elle peut pas. At the same time. En même temps. En même temps. He asks him to. Il lui demande de. Il lui demande de. Stay seated. Restez assis. Restez assis. We can see. On peut voir. On peut voir. On behalf of. De la part de. De la part de. Thank you for being with me. Merci d'être avec moi. Merci d'être avec moi. I'm very glad that you. Suis très content que vous. Suis très content que vous. For the people who. Pour les gens qui. Pour les gens qui. Are you able to come? Est-ce que tu peux venir? Est-ce que tu peux venir? And those people that cannot find things that. Et qui ne trouvent pas de choses. Et qui ne trouvent pas de choses. There are many. Il y a plusieurs. Il y a plusieurs. There is a lot of. Il y a plein de. Il y a plein de. The people who have. Les personnes qui ont. Les personnes qui ont. Because they are capable of. Parce qu'elles sont capables de. Parce qu'elles sont capables de. There are people who have. Il y a les personnes qui ont. Il y a les personnes qui ont. And those who cannot yet. Et qui ne peuvent pas encore. Et qui ne peuvent pas encore. You do not have the right to. Vous n'avez pas le droit de. Vous n'avez pas le droit de. Because it's a bit too much. Parce que c'est un peu trop. Parce que c'est un peu trop. Not with. Pas avec de. Pas avec de. But also. Mais aussi. Mais aussi. All the things that. Toutes les choses qui. Toutes les choses qui. That interests me and. Qui m'intéresse et. Qui m'intéresse et. That maybe is going to interest you as well. Qui peut-être vont vous intéresser aussi. Qui peut-être vont vous intéresser aussi. I am going to tell you. Je vais vous dire. Je vais vous dire. For several years. Depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années.